Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le samedi 8 décembre, il est tout juste 18h à Louviers. Sur la plus normande des radios, Dorian. Et comme toutes les semaines, on est reparti pour un nouveau classement de l'Espace Top 20. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et oui, le rendez-vous incontournable, on est reparti pour un nouveau classement et ça va commencer avec les trois derniers qui sont les mêmes que la semaine dernière. En numéro 18, on retrouvera Quelqu'un, ça ira mieux. Numéro 19, Black Coffee, David Guetta, c'est droit arrivé. Numéro 20, toujours Bad Bunny et Drake avec Mia. Et j'en profite au niveau des événements pour vous donner rendez-vous du côté de Beaumont-le-Roger le mercredi 19 décembre pour une matinée conte de Noël. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Plus d'infos sur le site de la ville de Beaumont-le-Roger, évidemment. Et puis avec Espace, on vous file Rancard le samedi 22 décembre du côté d'Évreux pour une grande animation Noël dans le centre-ville. Plein de choses au programme, évidemment, ce jour-là. Donc soyez avec nous le samedi 22 décembre du côté d'Évreux. Pour l'instant, numéro 20, voici Bad Bunny et Dwayx et Mia. Passez une belle soirée et un bon week-end avec nous sur Espace. Espace, top 20. Le top 20, numéro 20. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía. Top 20, numéro 19.

Des radios. Espace en mode souvenir. Vous êtes dans l'espace top 20, passez un très bon week-end. Laissez nouveaux messages aussi au 0 950 35 50 50. Mode souvenir avant de passer à la suite du classement. C'est Jean-Jacques Goldman, je te donne. I can give you a

incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six, you wanna dine in six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Week-end sur Espace, vous êtes dans le classement Espace Top 20 de cette semaine, les 20 meilleurs sons et les 20 meilleurs tubes de la plus normande et picarde des radios. Pour l'instant, on fait une pause hors classement avec deux nouveautés, Benny Blanco, I Found You dans un instant, et voici Poolside, c'est Feel Alright, bon week-end.

êtes Normand, vous êtes Picard et vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir. Soyez les bienvenus, il est tout juste 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Mobilisation des Gilets jaunes, acte 4. En début d'après-midi, la situation s'est tendue sur les Champs-Élysées. Des manifestants ont arraché les planches de protection de plusieurs commerces, dont le drugstore de Publicis, afin de créer une barricade au milieu de l'avenue. Plusieurs feux ont également été allumés. Une boutique de téléphonie a également été prise pour cible et fait l'objet d'une tentative de pillage. Les forces de l'ordre ont réagi à l'aide de grenades lacrymogènes et les pompiers ont pu intervenir. Selon le ministère de l'Intérieur, 31 000 manifestants ont été comptabilisés, dont 8 000 à Paris. À Paris, justement, 673 personnes ont été interpellées, dont 551 en garde à vue. 30 personnes blessées, dont 3 parmi les forces de l'ordre en urgence relative. Sur l'ensemble du territoire, près de 1 000 personnes interpellées, 720 placées en garde à vue. Autre mobilisation, la marche pour le climat à Paris. Elle a débuté en début d'après-midi dans une ambiance bon enfant avec environ 2000 participants, dont certains qui arboraient des gilets jaunes. La marche a quitté la place de la Nation sans débordement signalé, en présence d'un dispositif policier léger sans filtrage des manifestants. La marche devait se terminer par un rassemblement place de la République. Donald Trump réagit aux manifestations des Gilets jaunes et attaque encore l'accord sur le climat. C'est la deuxième fois en à peine une semaine que le président des États-Unis réagit à la mobilisation des Gilets jaunes. L'occasion pour lui de rappeler sa farouche opposition à l'accord de Paris sur le climat. Dans un tweet publié aujourd'hui, Donald Trump ironise « L'accord de Paris ne fonctionne pas si bien. Manifestations et émeutes partout en France. Les gens ne veulent pas payer de telles sommes pour protéger sans aucune certitude l'environnement. » Et puis Jonathan Daval a craqué lors de sa confrontation et a reconnu à nouveau avoir tué Alexia. Il était confronté hier aux parents, à la sœur et au beau-frère d'Alexia Daval. Il est revenu sur sa dernière version et redit qu'il a tué seul son épouse. Un énorme rebondissement dans ce dossier, alors qu'il y a quelques mois, l'homme de 34 ans avait mis en cause l'ensemble de sa belle-famille dans la mort de la jeune femme de 29 ans. Sur la plus normande des radios. Dorian. C'est reparti pour une deuxième heure et donc pour la suite du classement Espace Top 20. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et oui, le rendez-vous incontournable comme d'habitude et ça continue avec les 11 premiers du classement et je peux vous dire qu'il y a du changement dans cette partie-là et pas qu'un peu. On va démarrer avec le numéro 11 maintenant, c'est Lady Gaga et Bradley Cooper Shallow. Ils perdent 4 places par rapport à la semaine dernière. Oh lolo, mais il y a des chutes beaucoup plus lourdes que celle-là. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, soyez évidemment prudents sur les routes. Bon courage à ceux qui taffent. Et je vous rappelle que les marchés de Noël vous attendent dans la région. Espace Top 20. Le Top 20. Numéro 11. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'll never leave the ground.

Le frérot l'a senti, lui a vite préféré détaler. Mais bon, je suis grand, moi je ne vais quand même pas chialer. Il m'a dit laisse passer gentiment. Il m'a dit laisse passer simplement. Tout finira bien par se casser un moment. Alors je laisse passer en attendant. Je m'en vais rêvasser. Et voilà, c'est nouveau et ça rafle déjà la première place. Ah, petit vénard. Cameron, je laisse passer sur Espace en Normandie, en Picardie numéro 1 de cette semaine, 19h53. Voici David Leroy pour la Proc Télé de ce samedi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 8 décembre. Ce soir sur TF1, l'étrange Noël de Jeff Panaclock. On va retrouver Jean-Marc et toutes ses gaudrioles. J'avoue que ça me fait rire. J'oublie même que c'est une marionnette et j'en suis arrivé à me dire « David, tu pètes les plombs, c'est une marionnette !» France 2, le Téléthon, toute la soirée comme chaque année, on fait le 36-37 et on fait Téléthon.fr pour donner des sous. La soirée présentée par Nagui et Sophie Davant. France 3, Mongeville avec un inédit, histoire de suivre les aventures de ce commissaire pas comme les autres, et c'est plutôt sympa de revoir de temps en temps Francis Perrin. Canal, de la boxe avec des mecs qui ont des bras aussi gros que mes cuisses, hein, c'est la réunion de Levallois-Perret. Arte, un documentaire, les arpenteurs de la mer, oui, ceux qui sont sur des bateaux. Bateaux sur l'eau. La rivière, oh, je crois que je vais chialer, ça me rappelle des souvenirs quand le mini-moi était bébé. Maintenant, dès que je lui chante des trucs comme ça, il me dit « Papa, j'ai 7 ans, c'est trop la honte ton truc !» M6, Karine Le Marchand passe toute la soirée avec vous, une ambition intime, une super émission. Hein. T'y reviens ce soir avec Michel Bernier, et je peux vous dire que la Michel, on l'adore, tous les Français l'aiment, mais c'était même ma voisine à l'époque, hein, quand j'habitais à Paris. Oui, nous étions voisins, et cette femme était charmante. Le meilleur de la TNT, C8, Les Chevaliers du Fiel, Dynamite, l'année 2018. C'est un inédit. W9, des inédits des Simpsons. TMC, un documentaire sur Soprano pour faire plaisir aux ados. Ça rime. Oui, je suis un poète. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Et voilà, l'Espace Top 20 touche à sa fin pour cette semaine. C'était un plaisir encore une fois de le présenter pour vous. On se retrouve évidemment samedi prochain, 18h-20h pour un nouveau classement. Et puis d'ici là, toute la semaine, 19h-21h dans l'Afterwork. Je vous embrasse. On se quitte avec Bonnet M. Rasputin. Ensuite, eh bien, c'est la suite des programmes d'Espace. Et à samedi, 18h. Ciao les amis, bon week-end. Long ago, we were- Something about this outrageous man became louder and louder.